Merci à Stéphane Laroche, il est là depuis 8h pour vous accompagner. On le retrouvera bien sûr dès demain pour les matinales en compagnie de Willy. Je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau rendez-vous. Bienvenue à bord de Party After. Chaque dimanche, 10h midi, Pascal Mancini sur Galaxy. how to keep that thing together. Like my man says, Shorty Ray. Baby, you can hold that sucker down. That's love. Baby, you can hold. You can hold.

Remains on top. Chagrin à l'instant pour le remix de Thriller. J'espère que vous passez un bon moment à l'écoute de Galaxy. Bienvenue à bord de Party After. On est ensemble jusqu'à midi. Pascal Mancini pour vous accompagner. On poursuit tout de suite avec Cromero avec le titre Nelly Girl. Galaxy 95.3. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Yeah. dernier Fed Le Grand sur les platines de Galaxy, les 10h42 minutes. On va parler tout de suite de quelques informations de proximité. On commence tout de suite par une opération pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, en effet, cherche des pelotes de laine afin de tricoter des vêtements chauds ainsi que des couvertures pour les plus démunis. Un seul numéro de téléphone, c'est le 03 20 02 80 72. Je répète, 03 20 02 80 72. Une autre information, c'est concernant une exposition au centre historique minier des Leloirt. Ça se passera du dimanche 1er mars jusqu'au dimanche 1er juin. Un paysage à découvrir du Nord-Pas-de-Calais. La photographie, ceux de Sophie Desbal. Renseignement 03 27 95 82 82 ou bien sur le site de www.chm-leloirt.com. Et une dernière information concernant une comédie pour rigoler un petit peu. Ça se passera du côté du cercle Marcel de Waterloo. Ça se passera jusqu'au 16 mars prochain. Réservation 03 20 80 63 21. On poursuit bien sûr côté musique avec Sub Kiss the Trance. After, chaque dimanche, 10h midi, Pascal Mancini sur Galaxy. Incontournable, John Dalbach sur les platines de Galaxy. Merci de votre grande fidélité. On retourne tout de suite à Alain Bayer pour atteindre le cap des 11h. êtes à bord de Party After depuis plus d'une heure. Il est 11h.

100% Galaxy à l'instant avec Jürgen Pape avec le titre We Love. On poursuit tout de suite avec Crack Falcom avec le titre Break You.

très joli joli, hein, de se moquer de cette radio, de Skyrock et d'énergie, parce que eux ils font tout ce qu'ils peuvent pour être aussi bien que vous. Oh, vous êtes vraiment super, je vous adore, Galaxy, c'est génial, je m'excite rien qu'à vous entendre, je vous adore. Galaxy. We'll be right back. écoutez Party After avec Pascal Mancini sur Galaxy. Music. Mix House de Depeche Mode à l'instant avec Enjoy the Silence Galaxy, et fait aussi c'est pour se rappeler des meilleurs souvenirs sortis il y a quelques seulement les années en arrière. Voici tout de suite Armand Van Helden, souvenez-vous, c'était My My My. www.galaxyfm.com. Avec le titre SOS, il nous reste quelques petites minutes à passer ensemble tout à l'heure aux alentours de midi. C'est Tom aujourd'hui que vous retrouverez pour une session rétro house. Écoutez bien, que du souvenir. Il sera suivi de Michael H pour une session trans, Sharkam, Steve, Mandré, Guillaume de Baskerville, notre ami Guillaume de Baskerville suivra à partir de 22h jusqu'à 23h pour une heure de musique pour se relaxer. Et juste après, vous recevrez Sick pour les sessions hardcore de 23h à 1h du matin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, mais voici tout de suite pour finir, on va terminer bien sûr cette émission en douceur et en souplesse. Voici tout de suite Morgan Suave et c'est le remix signé Mister Sam. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Behind the